combien de temps perdu sans te connaître. Quelques rayons de soleil, existence sans image. Je retiens le temps depuis le jour où j'ai connu par toi ma raison d'être. Et maintenant, je crois avoir le droit de t'aimer de jour en jour, mon amour, de plus en plus de jour en jour. Avoir le droit de t'aimer de jour en jour, mon amour, de plus en plus de jour en jour, mon amour, de plus en plus et pour toujours, mon amour, de plus en plus et chaque jour, mon amour, de plus en plus. Sure.